chercher ti fille le maman un te capenel pas tout prince pour vino et famille maman et pas jean te con pas tout prince ma paleli de pas tout prince l'alité vive mariani et te commencé pose une question. Mais ça y est ça. Mais ça, c'est le poisson mon cher, hein. Et ça y est ça. Mais ça, c'est le lambi mon cher, hein. Et ça y est ça. Mais ça, c'est au calbas mon cher. Dans les organes, non point comme ça. Le moins dit que le porc aurait rien. Dans tout ça qui gagne, non pas au prince. L'alité rive bisotant, il t'est continué poser une question. Mais ça y est ça, mais ça c'est Marina Haïtienne mon cher, hein. Et ça y est ça, mais ça c'est Royal Haitian Club mon cher, hein. Et ça y est ça, mais ça c'est Simbi Palace mon cher. Dans les organes, non point comme ça. Le moins dit, m'a peine sous champ de Mars. Pour mal faire loin, merveille pays. L'alité vivait rue des casernes. L'été recommencé, poser une question. Cha. Mais ça, c'est contribution, mon cher. Hein? Et gros caille bleu ça, lui même ça, lui là. Mais ça, c'est palais national, mon cher. Hein? Go bagay noir sa Colombia là, mais ça c'est nek marron mon cher. Dans les organes, non point comme ça. Le moins dit, ma peine le Pétionville. Pour n'aller caille, yon groupe zami. Non tape fait yon ti promenade. Ni te continue poser une question. Mais ça y est ça. Mais ça c'est cabane choukoun mon cher, hein? Et ça y est ça. Mais ça c'est rétrofolise mon cher, hein? Et ça y est ça. Mais ça c'est hippolélé mon cher. Dans les organes, non point comme ça. Le moins dit, ma pménèle tourne matissant. Pour m'aller faire loin, plus belle bagaille. Moi t'es ménèle, copacabana. T'es fait commencer, poser une question. Cha. Mais ça, son pagnol, mon cher, hein? Et gros ça, lui-même qui plaît cheveux là. Mais ça, son gros pagnol, mon cher, hein? Et petit ça, lui-même, ça, lui là. Mais ça, son petit pagnol, mon cher. Dans les organes, non point comme ça. L'homme t'es fatigué, à petit nom, ça. Point d'il. Ma peine elle tourne les organes pour l'Italie.